Ma vie c'est un film et je suis pas passé loin du court métrage. La barrière est fine entre fou et sage. Et pour faire le bilan j'ai comme 12 étages. Trouve-moi 17 puis j'avais Jack Daniel dans le noctilien. Le 31 août à Oslo, mon frérot, c'est le quotidien. Maintenant c'est trop tard pour qu'on me donne des ordres. J'étais qu'un garçon, je pensais comme les hommes. On peut être bienveillant s'il s'agit de ce qu'on aime. Mais je suis pas peace and love, je suis pas John Lennon. Les hommes, les femmes, c'est pas pareil. Regarde la population carcérale. Combien de soirées en t-shirt blanc, je finis comme si j'ai joué pour Arsenal. Quand ils vont se coucher, moi j'ai juste la fin du monde en tête. Mes voyages sont à l'intérieur, non je fais pas mes vacances en Crète. Ils pensent qu'ils parlent mal de moi, en vrai ils parlent mal d'eux-mêmes. J'ai un océan de tristesse derrière une façade de haine. Pathologie de Fury Tyson, je ferme les yeux, je vois des fusils d'assaut. T'es un homme, fais pas de bruit quand tu souffles, les dés sont pipés depuis le berceau. Ceux qui m'entourent sont des mecs bien, est-ce que ça fait de moi un mec bien? C'est celui qui s'est guéri, qui malgré lui deviendra médecin. Au pied du mur, c'est celui dans le miroir qui m'a secouru. Je suis moi-même tout de suite, comme ça y a pas de doute, vrais sont ceux qui restent. Tout ça ne dure qu'un temps, c'est ce que me rappelle Fleur de Sakura. Ici on meurt qu'une fois mon frérot, c'est pas Sekiro. Dans mon cœur comme un surin, je reconnais pas mon frère dans l'humain. Si mon voisin a le double de ce que j'ai, je t'en prie arrache-moi une main. J'ai compris sur une aire de jeu, c'est croiser le fer, ce qu'on sait faire de mieux. À 25 piges, je me sens presque vieux, je sais pas si j'irai auprès de Dieu. De jour comme de nuit, je rêve d'un monde meilleur, sinon je tiens pas. Un grand frère métis, j'ai toujours eu honte de mon timbal. Et c'est vrai mon frère, j'ai tout fait pour te ressembler depuis qu'on est gamin. Il est tatoué sur mon âme ce jour où on s'est serré la main. C'est moi qui creuse mes tranchées pour m'en sortir. Je vais peut-être en chier, mais devant la glace, je vois plus d'étrangers. Tout seul lorsque j'irai par les jambes, symptômes ne vont pas en sa légende. Si je canne, vais-je entrer dans la légende? Jusqu'à ta mort, putain de merde.